Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chanson et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours, jour après jour. Ah, qu'est-ce qu'on aime danser dans cette émission. Ça tombe bien, le titre de cette émission, c'est Danser maintenant, et vous êtes conviés à l'écouter jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Bonjour à tous et bonjour Hubert. Et bonjour également à notre amie Arlette. Hello les amis, bonjour à tous. Arlette, toujours fidèle. Et oui, toujours fidèle au poste. Au poste de radio, évidemment. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. À présent, voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Voici le show. Dansez maintenant. Voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission pleine de surprises comme d'habitude, et on commence avec cette très belle chanson, Le village s'éveille. Dans ce bon accordéon nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors Christophe, cette semaine, que nous as-tu sélectionné ? Oh, eh bien c'est un copain, tu le connais très très bien également, Fabrice Peluso. Eh oui, notre fabounet à nous. Eh bien, il va vous jouer trois morceaux aujourd'hui et pour commencer, eh bien je vous propose d'écouter Le Torrent. C'est une belle chanson ça. Ah, j'adore. Arlette, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous poursuivons notre petit voyage dans le 1959. Et notre radio-télévision française va connaître un changement radical. Un décret, daté du 5 février 1959, ratifie le monopole d'État et notre RTF devient un établissement public, à caractère industriel et commercial, s'il vous plaît. Elle est placée alors sous l'autorité du ministre de l'Information. On y découvre quelques pubs bien cachées. Par exemple, une bouteille posée négligemment sur une table, son étiquette bien en vue, rapporte déjà son pesant d'or. Pour ce qui est des émissions de distraction, on retrouve... Et oui, la piste aux étoiles, présentée et dirigée par Gilles Margaritis, souvenez-vous. On retrouve aussi nos grandes vedettes de la chanson dans de rares émissions de variété. Dalida nous présente Ciao Ciao Bambina, que l'on écoute avec bonheur. Ciao Ciao Bambina. Mille violons chantent leur mélodie. Un arc-en-ciel dans le ciel se déplie. Mais il me semble être encore sous la pluie. Si malheureuse, quand il m'a dit, je vais te perdre, j'ai de la peine, embrasse-moi. Ciao, ciao, bambina, un jour on s'aime et l'on se quitte, l'amour c'est ça. Tes yeux tristes, tout le ciel pleure, et moi je pleure, pleure avec toi. Elle-même, ce soir on doute, il pleure, pleure, sous le nostro Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM. Alors nous avons eu Eric Colomb qui nous a interprété Musette tyrolienne et on continue toujours avec lui et je suis à ses côtés pour chanter la valse à Pierrot. Thank you. ces heures trop brèves, il ne resta qu'un refrain. Ce fut comme une fièvre, guérie le lendemain. Sur le papier quelques mots, c'est la valse à Pierrot. Prends la trompette, joue ce refrain avec ardeur. C'est quelques notes qui résonnent dans mon cœur. C'est une romance qu'il faut danser, un air nouveau. Garde la cadence, c'est merveilleux, la valse à Pierrot. Elle est née dans un rêve, dans le petit matin. Quelques notes s'élèvent, il lui fallait un refrain. Quelques paroles et j'ose vous l'offrir en cadeau. Pour défendre la chose, c'est la valse à Pierrot. Quand les trompettes, les musiciens et les danseurs soudain se prêtent à ce refrain, c'est le bonheur. Viens, c'est la fête, on va valser jusqu'à demain. Serre-moi fort contre ton corps, on est si bien. Je vous propose de danser un petit tango. Je te dirai, c'est toi que j'aime, alors j'inventerai d'ardents poèmes. Pour toi je chanterai des mots suprêmes. Lorsque je te dirai, c'est toi que j'aime. chanterai des mots suprêmes lorsque je te dirai c'est toi que j'aime. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors Christophe, un deuxième titre de Fabrice Peluso serait le bienvenu maintenant. Eh bien, on reste un petit peu dans les montagnes avec un morceau qui s'appelle Mon Foxtrot en montagne. Déjà très connue avec sa voix douce et tendre et sincère, nous présente Ma Petite Chanson, une jolie valse lente qui revient à notre mémoire. Ma Petite Chanson, Bourville. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri,

Eh bien écoutez, dans quelques instants, on va écouter notre Lyonnaise à nous, Stéphanie Rodriguez. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Sorgia FM, Sorgia. Allez, on va vous emmener faire un petit tour à Mexico. En hommage à ma ville natale qui est Lyon, eh bien j'ai écrit une valse mexicaine qui s'appelle une Lyonnaise à Mexico. Thank you. toujours en 1959, Gilbert Bécaud, surnommé Monsieur 100 000 volts, nous fait danser sur un fox, Pilou Piloué. On l'écoute et on danse. Pilou Pilou Piloué, moi j'attends le jour où j'irai au pays qu'un joli nom. Tu me crois ou tu me crois pas, mais tout est plein de mimosa. Au pays qu'un joli nom. Au pays qu'un joli nom. À genoux ou sur les mains, ou sur les mains peut-être bien. À genoux ou sur les mains, je me te le franchirai le chemin. Je m'en irai aux quatre vents, sur une barque de bois blanc. Au pays qu'un joli nom. Pilou, pilou, piloué, moi j'attends le jour où j'aurai mes prés et mes moissons. À genoux ou sur les mains, ou sur les mains peut-être bien. À genoux ou sur les mains, je me te le franchirai le chemin. Ce chemin des quatre printemps, nous le grimperons en chantant pour fabriquer notre maison. Je nous vois, tiens, comme si j'y étais. Le soleil a toujours raison. À genoux ou sur les mains, ou sur les mains peut-être bien. À genoux ou sur les mains, je me te le franchirai le chemin. Tu me crois ou tu me crois pas, Jésus ne porte plus sa croix. Au pays qu'un joli nom. Au pays. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. J'oserais dire, Christophe, allez, un petit dernier pour la route. Jamais 203, Hubert, tu as raison, comme la Peugeot. Place maintenant au Passo du Mont Blanc. Toujours avec Fabrice Peluso. Du plaisir à écouter tous ces artistes, ces accordéonistes, ces chanteurs. Et on va continuer avec notre reine du musette qui nous a malheureusement quitté il y a très peu de temps, Yvette Horner et sa reine de musette. Thank you. Sorgia FM. Sorgia. La chanson française est aussi à l'honneur aujourd'hui, on devrait même dire la chanson suisse. Alain Morisot et les Sweet People, vous avez été nombreux à nous réclamer cette merveilleuse chanson. Ainsi soit-il. Comme le navire en détresse, accroché à un SOS, comme la flamme qu'on allume, source fragile dans un refuge, comme une prière, les yeux. Je veux t'aimer, ainsi soit-il. Comme le marteau sur l'enclume, lorsque deux corps deviennent adultes, comme l'océan qui se déchaîne, quand une vague vient s'écraser, comme une prière, les yeux fermés, je veux t'aimer, ainsi soit-il. Même dans un monde interdit, je brille. Sauver notre amour, même dans un monde maudit, j'épouserai ton ombre pour sauver notre amour. Avec la folie entre mes et tous mes rêves pour demain, avec la faiblesse d'une enfant, avec la force du torrent, comme une prière, les yeux fermés, je veux t'aimer. Ainsi soit-il, même dans un monde interdit, je briserai ma vie pour sauver notre amour. Même dans un monde maudit, j'épouserai ton ombre pour sauver notre amour. Je serai pauvre, tu seras reine, et notre amour saura vieillir. Tu seras l'onde magicienne que nul ne pourra retenir, comme une prière, les yeux fermés, je veux t'aimer. Alors Arlette, 59. Bien d'autres chansons sont créées cette année-là. Brice et Barrier, avec La Servante du Château. Mm-hmm. Jean-Jacques Debout, avec Les Boutons Dorés. Restez assis. Les Compagnons de la Chanson, avec Le Marchand de Bonheur. J'adore. Et c'est encore en 1959 que Jacques Brel lance

vaut mieux souffler la flamme à tout jamais. Nous deux, ce n'est déjà plus qu'un souvenir. Au fond de nos cœurs déçus, tout se déchire. Alors à quoi bon la peine et le chagrin? Encore un dernier je t'aime et c'est la fin. Bonne chance, mon amour, mon grand amour. Adieu et bonne chance, mon amour pour toujours. Adieu et bonne. Sorgia FM.